Cette émission est une présentation de RZO. Pour plus de podcasts et web télé, rendez-vous sur rzoweb.com. Hey, salut chers auditeurs, bienvenue à l'épisode numéro 43 de l'Heure Gamer Show. Épisode 43 où on va vous jaser de dinosaures avec moi ce soir pour cet enregistrement de feu. Bon, le retour de, on sait pas où ce qui était parti, de mon bon vieux pote Sébastien Bouchard. Comment ça va? Rare, ça va très bien! Ah, oh, man, wow! Wow! Bon, il s'est transformé en pirate. Ouais, c'est ça, je me suis demandé si c'était un pirate ou un dinosaure. J'admire ton concept. C'est oh oui, c'est malade, je travaille depuis un matin. Hey, bon retour! Merci! Non, je souligne le fait que c'est ton retour parce que tu nous as marqué ça sur Facebook puis t'étais parti? Ben oui, c'est ça. Ok, ben bon retour puis j'espère que ça va bien se passer. T'es pas trop nerveux? Moi, je me suis ennuyé. Ah ouais? Eh bien, j'espère que ça n'a pas fait trop mal. Mon deuxième, avec nous aussi ce soir, Jean-François Tremblay. Comment ça va, Jean-François? Ça va très bien, toi? Ça va numéro un. Toi, est-ce que tu t'es ennuyé de Sébastien? Un peu. C'est correct. Oui, je me suis ennuyé de tout le monde. Je me suis ennuyé des épisodes réguliers. C'est vrai. C'est même toi qui as lâché le câble. Là, on est dû. Et puis, ouais. Tu avais tout à fait raison. Ceci dit... Mais est-ce que je vais le regretter? C'est possible, mais écoute, on va en reparler, mais j'ai prévu quelque chose, je me suis prévu une rédemption et on en reparle plus tard dans le show. Okay. Steven Lefrançois est avec nous, comment ça va Steven? Ah, elle a déjà été faite. Ouais, je le sais, mais là ça me l'a volé et ça m'a tellement fait chier que je me suis dit je vais le faire pareil. Puis, en plus, Jeff il a dit que ça avait l'air d'un pirate, fait que je me suis dit... Yeah. Moi, ça te sort d'un gars qui avait la grippe. Ah, ok, bah, dommage. Mais ça va bien. Cool. Hey, l'idée des dinosaures, c'est ça, c'est sur Facebook que ça a poussé. C'est Jean-François qui disait, comme ça, qu'il s'ennuyait des shows réguliers. Puis c'est vrai, on était vraiment dû pour en faire. Fait que la première chose qui m'est venue par la tête, c'est dinosaures et fouillez-moi pourquoi. J'ai dit, tiens, si on faisait un show de dinosaures, et puis ben c'est pour ça qu'on va s'attaquer aux deux films de ce soir. Quelque chose avant de commencer, messieurs? Bonne chance. Ben écoute, je pense qu'avec ça, on ne peut pas faire autrement que commencer, tout simplement. Excellent, c'est parti. Alors, on commence cette soirée dinosauresque avec Carnosaur, un film réalisé en 1993 par Adam Simon et Darren Maloney, et non Maloney. Vous êtes Pierre, un troisième? C'est qui disait qu'il y avait un troisième réalisateur? C'est un réalisateur fantôme, disons. Ouh! Ouais. C'est peut-être mieux, plus épeurant que le film. Peu importe. Ça met en vedette Diane Ladd et d'autres mondes. C'est sûrement JF a reconnu. JF, ils ont reconnu. Ils ont joué dans un épisode de Dynasty en 78. Non. Et à part Diane Ladd puis Clint Howard, c'est tout. Hey, Clint Howard, c'est pas négligeable, moi, non. Non, Diane Ladd, elle, c'est sûr que... Ben, il y a quand même Harrison Page, là. C'est vrai, il y a Clint Howard, j'avais oublié celui-là. Harrison Page, c'est qui ça? Je sais pas. Bon, hey, alors, on va y aller. Ça moi, ce que je veux savoir, Sébastien, c'est... C'est quoi l'histoire? De quoi ça parle, Carnosaur? Merci, Pierre. Pour ceux qui ne savent pas et qui n'ont pas vu le film, vous ne pouvez pas comprendre à quel point qu'il a résumé Carnosaur, c'est bizarre. Carnosaur, ça raconte l'histoire d'une scientifique écologiste qui a décidé de mélanger de l'ADN de poulet avec de l'ADN de toutes sortes de reptiles, serpents, crocodiles, tout ça, y compris, tiens-toi, de l'ADN de dinosaures, afin de créer une nouvelle espèce de dinosaure qui va terroriser la planète. Mais ce n'est pas tout, parce que, tu sais, on pourrait se dire, OK, c'est déjà bon comme résumé de film. Non, elle a aussi créé un virus de la grippe, qui fait en sorte que toutes les femmes qui vont pogner cette grippe-là vont être enceintes de dinosaures. Alors, elles accoucheront d'un œuf qui éclorera et qui sera habité par un dinosaure. Et pourquoi? Parce qu'elle trouve que les humains ne sont pas l'espèce qui devrait détruire la Terre. Alors, elle veut redonner la Terre à ces puissants reptiles. C'est épique en esti. Et tout ça dans... et tout ça se déroule dans un genre de désert. Là. C'est quoi? C'est Nevada? Quelque chose de même. Dans un désert mal éclairé. Avec des hippies. Avec des hippies. Ben des hippies, ouais. Alors voilà. Puis des poulets. Des points. Hey, Steven, t'as l'air impatient. Parle-nous donc de ton expérience. Est-ce que je savais qu'elle allait me nommer en premier? Ben, il y a une raison à ça. Vas-y. Laquelle? Ben, je, ah, okay. Je connais ton opinion, c'est ça la raison. Ok, cool. Ben, je vais y aller par la porte d'entrée. Carnosaur, c'est de la crise de marde. Puis je vais. Je t'ai fucké, là, Pierre. Non, c'est pas vrai. Ok, Carnosaur, c'est un film que j'ai vu très jeune après avoir vu Jurassic Park au cinéma. Puis c'est ce que c'est, Carnosaur. C'est on va tenter de surfer sur le succès de Jurassic Park. Puis c'est ce que Roger Corman s'est dit. Petit budget, deux réalisateurs, John Carter Butler pour des effets spéciaux. Je ne vais pas cracher sur John Carter Butler. Là. Il a quand même fait la meilleure apparence de Jason dans Vendredi 13, chapitre 7. Hey, mais attends un peu, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce que tu dis. Surfer sur le succès de Jurassic Park. Ouais, moi aussi. Il est sorti comme, je pense, c'est 4 semaines avant Jurassic Park. Si je ne me trompe pas, ouais, mais je veux dire, Jurassic Park devait être déjà annoncé depuis longtemps, puis le buzz dinosaure devait être là autour. Tout à fait. Les autres, ils ont dû faire un film en 3 mois. Là. Oh, ben, ouais, à peu près, là, mais ça, c'est quand même. Je veux dire, tu peux pas surfer sur le succès de quelque chose qui est quand même pas sorti. Non, mais il devait sentir que la mode s'en venait, pardon. Ça, c'est clair que c'était le. De toute façon, Kerman, il a comme une vision du futur. Il savait que c'était un hit, fait que s'est dit, je vais te lancer ça. Fait que... Ça, je suis mais... d'accord. Une chose est sûre, par exemple, c'est que le livre a été écrit avant... parce que oui, c'est basé sur un livre, imaginez-vous donc. Et le livre a été écrit avant le Jurassic Park de Michael Crichton. C'est un livre écrit par John Brosnan. Aha! Eh oui, et c'est, je vais essayer de vous trouver le titre. Continue. Ouais, mais justement, l'écrivain de Jurassic Park s'est inspiré de ce livre-là. Dans le fond, il a juste pris les dinosaures puis il a laissé le reste là. Fait que... Ben, lui, il a vu le mot ADN dinosaure et s'est dit « Ok, c'est bon ». Lui, il a compris que tu n'étais pas obligé d'aller aussi loin pour avoir de quoi d'intéressant. Allons-y avec M. Carnosaur. Écoute, production de Roger Corman, je pense qu'on sait un peu à quoi s'attendre dès qu'on voit son nom dans les parages. On va s'attendre à des totons, du gore, puis un scénario pas très, très génial avec des acteurs pourris. La différence, c'est que là, il n'y a pas de totons. Puis il y a Diane Lade, que je connais plus ou moins, mais Calis qui n'est pas là non plus. C'est qu'elle sert à rien là-dedans. Comment parler de Carnosaur? C'est pas facile, en effet, c'est difficile. Non, c'est pas facile. Je déteste pas Carnosaur parce que je l'ai quand même vu souvent quand j'étais jeune. C'est un film que je prends encore un petit peu de plaisir à voir parce que j'aime les dinosaures. J'étais une pute à dinosaures. Moi, tu vas me foutre toute la collection des films de dinosaures de Isaac puis je vais pareil y trouver mon compte, même si c'est de la calisse de merde, parce que juste le fait d'avoir un dinosaure, j'aime ça. Fait que là, j'ai du plaisir à voir cette espèce de... On dirait un T-Rex. Es-tu supposé être un nouveau dinosaure ou c'est vraiment un T-Rex? Là? C'est difficile à dire. C'est un Carnosaur. Réponds à ça. Mais bon, je veux dire, le film... Ce qui sauve vraiment le film en tant que tel, c'est vraiment plus les effets spéciaux, son Carnosaur et son gore, qui est quand même assez généreux. J'ai vraiment du plaisir à voir des Carnosaurs déchiqueter une gang de hippies. Ça, man, c'est priceless. Hey, c'est un Deinonychus. Si vous voulez chercher tout le monde, Deinonychus, ce serait ça le dinosaure du film. Ah, okay, ça semblait aussi. Tu disais que Diane Ladd n'était pas vraiment là. Elle a tourné pendant 5 jours. Ouais, mais ça, c'est 5 jours à répéter la scène des trous, parce qu'elle était pas capable de la faire. Pierre, tu vas m'aider. Comment ça s'appelle l'espèce de petit buggy à la fin? Là? Oh my God. Bonne question. Bon, on va dire un petit buggy de construction. Ah, tu parles du Bobcat? Hein? Le Bobcat? Ouais, le Bobcat, c'est ça. Oui, ben oui. Qui va servir d'épée légendaire pour combattre les Carnosaures dans un fight épique, sans scrupule. Et c'est ça. C'est juste ça, Carnosaur. C'est le fun pour son gore, puis son dinosaure, puis son gros fight final qui est drôle. Sinon, le reste, l'histoire est pas intéressante, est absurde. C'est complètement ridicule, des poulets... L'ADN de poulet mélangé. Premièrement, aussi qu'elle a trouvé de l'ADN de dinosaure, là, comme si ça se trouvait n'importe où facilement, comme de l'ADN de reptile. Là, c'est comme le truc le plus Tu sais, il lance ça de même là, dans le film. Là, ils n'iront pas t'expliquer. Non, non, regarde, on a trouvé. Là, calme-toi. C'est de Jurassic Park, ils prennent au moins 15 minutes à te montrer comment ils ont fait. Là-dedans, c'est, on l'a fait. Pose pas de questions. Peut-être que les réalisateurs ne comprenaient pas le livre. Ils lisaient, mais j'ai rien compris. Là. On va dire qu'ils l'ont fait. Mais vous me décevez, messieurs. Ah non, non, non. Hey, t'as peur, t'es pas rendu à moi. Non, c'est ça. Moi, je laisse tout le gros stock à Seb parce que je sais qu'il va en parler en masse. Il restera plus. Les acteurs sont pas. Les acteurs sont pas très bons non plus. Comme je dis, on s'en calisse royalement. Au bout du compte, là, tout ce qu'on attend, c'est à chaque fois l'apparition du dinosaure. Puis il y a même une scène. Moi, je comprends pas. Là, on dirait que le dinosaure est dans un rave, là, dans une petite scène de scène de laser, lumière rouge. Mais là, s'il faut que je t'explique ça, ça va pas bien, pas en tout ton affaire. Là. Voyons donc. C'est des rayons qui l'empêchent de sortir de là. C'est une genre de cage, une prison. C'est ça, c'est la vilaine. La scientifique est tellement evil qu'elle a des lasers activés par la voix qui font une cage virtuelle à ce dinosaure-là. Puis elle décide de quand qu'elle le libère pour justement qu'il aille attaquer les gens. Mais pendant ce temps-là, il est emprisonné. Ou aussi, tu pourrais expliquer ça par le fait qu'il n'y avait pas vraiment de décor, puis en mettant plein de lumière de même, ça stimule quelque chose. Ou pendant ce temps-là, on pourrait dire, comme ça paraît pas en tout, que Steven a quitté la conversation parce que son Skype a planté. Puis en fait, j'ai pas grand-chose à dire pour défendre forcément Carnosaur, parce que c'est pas vraiment un bon film au bout du compte. On sait à quoi s'attendre avec Roger Corman. Fait que moi, j'ai pareil. Je l'apprécie étant soit peu parce que j'étais un gros fan de dinosaures. Puis comme je dis, son gore est quand même généreux. Puis j'apprécie pareil les effets spéciaux de John Carl Butler au vu du petit budget. Là, il a quand même fait une job possible. J'avais vu une espèce de gros making-of dans le temps qu'à Canal D, il mettait une émission spéciale sur les effets spéciaux du cinéma. C'est une très vieille émission, mais j'avais vu celui sur toute la finale de Carnosaur, puis c'était vraiment intéressant. Ben voyons donc, il y a eu un making-of sur Carnosaur. Oh oui, puis je l'ai sur mon, je l'ai sur mon DVD Special c'est... Edition. Open Eye! Attends, c'est-tu le Special Edition de Lion Gates? Oui. Ah, ça veut dire que je l'ai moi aussi. Yes. Super Special Edition que t'as comme 54 reviews glorifiants de Carnosaur comme étant le meilleur film de dinosaures de tous les temps. Exactement. Ils sont allés sur des commentaires IMDB puis ils ont pris ce qui passait. Ah, écoute, il est tellement cheap cette édition spéciale là que ça a l'air d'un bootleg là, je te dis. ça fait vraiment dur. Fait que c'est ça, le Carnosaur, je le recommande juste peut-être pas à ceux qui sont pas vraiment fans des dinosaures puis de Roger Corman en tant que tel, parce que c'est à peu près ça qui est la qualité du film. Donc, autrement dit, je le recommande pas à JF. Pas que je veux faire un clin d'œil à JF. Là. Ben là, c'est trop tard, là. Ah, dommage. Il l'a vu. Ouais. Ah, c'est vrai, mais fuck. Bon, mais c'est ça, c'est tout. Puis je vais laisser le reste à Seb parce qu'il a l'air d'en avoir gros à dire. Fait que le principal est là. Je pense que Seb va déjà avoir tout dit rendu à son tour. Ben oui, c'est pas rare. Ben non, pas du tout, pas du tout. Hey, je vais prendre la relève. Ouais. Écoutez, moi, quand on parle d'un film de Roger Corman, je pense à deux films. Je pense à Humanoid from the Deep et Carnosaur. Le meilleur et le pire. Honnêtement, asti que j'aime ça, ce film-là, mais vraiment, ça rentre dans la catégorie des So Bad It's Good, on se le cachera pas. Mais So Bad... Pis oh, so oui. Good. Mais c'est tellement drôle. Écoute, l'histoire, c'est ça. Écoute, c'était mon plus gros clin d'œil à Sébastien à qui j'ai demandé de faire le topo de ce film-là. L'histoire, ça fait aucun putain de sens. L'histoire de cette scientifique-là que tu n'as pas raconté, puis écoute, je peux pas te blâmer de pas avoir tout dit parce qu'il y a beaucoup de stocks qui mènent nulle part puis qui veut rien dire. Puis vous êtes pointé pendant le film, comme semé complètement sporadiquement, en tout cas. T'sais, ça raconte que cette scientifique-là, en réalité, travaillait pour l'armée, une spécialiste des armes biologiques, qui a été engagée par une compagnie de poulets, mais qui a demandé d'avoir le financement illimité, puis qu'elle a été enfermée pendant 3 ans dans son entrepôt, puis personne n'avait le droit d'entrer, personne n'avait le droit de poser de questions, et elle, eux autres, tout ce qu'ils croyaient, c'est qu'elle travaillait sur du meilleur poulet. Piquer les micros. Hey, si c'est pas du fucking génie, ça, je me demande fucking c'est quoi. C'est brillant tellement que ça fait pas de sens, c'est complètement ridicule. Puis non seulement, oui, ok, faudrait que je retrouve le tagline. S'il y en a un de vous qui est sur IMDb qui peut me sortir le tagline parce que je l'ai pas sous les yeux, mais c'est malade. Attends, j'allais. Vas-y. Je descends un peu. Lequel tu veux? Ben, l'original, là, celui qui est sur le cover. Là. Parce que ça n'a pas de sens. Driven to Extinction, Back for Revenge. Back for Revenge. Ça... Pourquoi est-ce que les dinosaures viendraient se revenger, Chris? C'est pas les humains qui les ont exterminés. Ça fait pas de sens. Puis en plus, dans son plot evil à elle, là, l'espèce de scientifique folle, elle veut pas juste faire spawner un dinosaure pour tuer des gens. Non, elle veut repeupler le monde de dinosaures pour qu'éventuellement ils deviennent une espèce d'utopie. En tout cas, un asti de délire qui fait pas de bon sens. Come on! Rien que pour ça, ça vaut $1 million, ce film-là. Mais j'ai lu qu'à la fin du livre, dans le fond, elle a réussi à créer vraiment une armée de dinosaures. C'est comme la chiffre, puis elle les contrôle, puis elle détruit la planète. Là. Tu peux être sûr, mon cher, que si je peux mettre la main sur ce livre-là, je la jette à la seconde près. C'est clair que je veux lire ça. C'est fou. En dehors du plot de elle, puis de son crew, ok, sa gang qui travaille avec elle, c'est vraiment des astis d'handicapés mentaux. Je peux pas croire, mais ils chargent le camion de poulet. Il y a eu un carnage, il y a du sang partout, ces murs, ça dégoûte partout, puis eux autres, ils loadent le truck, ils remarquent pas ça, toi, c'est. En tout cas, c'est débile. Mais j'ai jamais vu autant de monde se tousser dans les mains puis éternuer sur de la bouffe. Ça, c'est un autre point. Man, j'ai jamais vu des docteurs aussi pas propres. Les gars pleins de sang, ils répondent au téléphone puis ils mettent sa main sur le mur, ils laissent des traces tout partout. L'accent qu'ils ont fait dans la réalisation pour voir tout le monde s'éternuer puis se tousser dans la face, c'est dégueulasse, man. Tu sais, je veux dire, c'est juste inhumain de se tousser dans la face de même. Là, ça a pas de sens. Calvaire. Olivier Guimond, il aurait été plus subtil que ça. C'est ridicule. À part de ça, écoute, j'ai pas parlé. Bon, Steven, t'en as parlé un peu. Des hippies. Man, il y a une scène fucking géniale où un dinosaure mange des hippies. Je pourrais regarder ça pendant une heure et demie, là, sérieusement. Elle est vraiment hot, la scène. Elle est fun au bout. Man, il arrache une jambe, puis il la mange comme si c'était un chicken wing. Comme si c'était un morceau de poulet. C'est vraiment une beauté. Ah, c'est tordant. Pour ça, ça va... Mais le dinosaure, la créature. Au début, quand c'est un mini... tout petit dinosaure, là, vraiment tout petit, quand il sort de. Quand on voit les ceux qui sortent des œufs, je pense que c'est là qu'ils sont le plus réussis en réalité, parce qu'ils sont pas trop mobiles, puis qu'ils sont dans leur espèce de boîte noire. Puis ils essayent pas de faire un drôle d'effet de d'échelle pour qu'ils paraissent plus gros. Là. Non, c'est ça. Ils sont comme à taille réelle. Un peu plus tard, il devient comme une popette, une hand popette, là, quand ça va gruger des intestins. Le gore est vraiment cool, Steven, tu l'as dit, mais il y a vraiment beaucoup de gore, le fun là-dedans. La hand puppet, c'est le fun, mais quand il devient full size, c'est malade. C'est un dinosaure en plastique, là. C'est un dinosaure plastique en premier plan qui a pratiquement aucune articulation. Ses bras marchent juste dans un sens. C'est fou. Mais, asti, j'aime ça. Je regarde ça et je pleure. Je rate. Ah, man. Écoute, on parle. Les scènes d'accouchement d'œufs. Si c'est pas too much, ça, je me demande ce que c'est. Écoute, c'est dégueulasse. Je voulais pas voir ça dans un film. J'ai lu. God. Non, moi, ce que je voulais pas voir, c'est Diane Ladd qui force de la face pour essayer d'accoucher d'un œuf. Moi, c'est ça que je voulais pas voir, puis que je pourrais plus jamais m'enlever de la tête. Et que finalement, que elle s'ouvre le ventre avec ses mains pour le laisser sortir. C'est ça. Ah, man. C'est de l'avoir forcé comme si elle était aux toilettes, là, en tout cas. S'il y a bien quelque chose que je voulais pas voir, là, c'était ça. Elle a tellement de l'air d'être là puis de se calisser de ce qui se passe. Elle est là pour faire sa job. Dans le fameux making of, je te dirais que le monde, ils comprennent même pas ce qu'ils font dans le making of. Fait qu'imagine dans le film, tu sais. Ils disent, ouais, on a eu un succès, on comprend toujours pas pourquoi, mais bon. Mais tout ça ensemble, ça fait que c'est un sale film de party, un sale film de bière. Moi, je trouvais ça le fun. Tu sais, quand j'ai dit ça, on fait un film de dinosaures, je pensais à Carnosaur tout de suite parce que ça me donnait un prétexte pour le réécouter, puis je suis donc content. Le réécouter tout seul chez nous en plein milieu d'après-midi, ça fait pas le même effet. Mais un vendredi soir avec une gang de chums, c'est malade. Sérieusement, là, c'est complètement débile. La seule chose, c'est que là, c'est ça. Le plot est tellement compliqué que... Je pensais, je me souvenais plus de ça. Je me souvenais, bon, la fameuse scène entre le Bobcat. Je me souvenais que les femmes accouchaient des œufs parce que c'est une image qu'on n'oubliera plus jamais. Mais je me souvenais pas du plot. J'essayais de démystifier ça avant de le réécouter. Puis je venais de lire le film, puis je le comprenais toujours pas. Là, ça n'a vraiment aucun putain de sens. Mais asti que c'est drôle. J'adore Carnosaur. Puis ouais. Je regrette pas de l'avoir réécouté cette semaine. Puis je vais encore le réécouter probablement une autre fois au moins cette année. Certain. Je passe la parole à Jean-François. Ben, vous avez pas mal tout dit. Ouais, mais on l'a dit d'une façon optimiste. Oui. Ah, moi, je veux plus jamais le revoir. Mais tu viens de dire justement qu'il faut le regarder en gang, c'est ça. Moi, je l'ai regardé tout seul, comme on l'a probablement tout fait pour le podcast. Fait que c'est pas la même expérience. Je peux l'imaginer là, comment ça doit être en gang. Mais non, il n'y a rien que j'ai aimé là-dedans. Rien. Il n'y a rien qui fait du sens. J'arrivais pas à m'attacher à aucun personnage. J'arrivais pas à suivre l'histoire tant que ça. C'est ça, Diane Ladd, elle a l'air morte en dedans. Puis tu sais, c'est une actrice qui a été en nomination aux Oscars, qui a fait. Elle vit encore, là, elle est encore vivante, elle a une carrière de 60 ans, je pense. Puis tu sais, pour l'anecdote, c'est la mère de Laura Dern qui est dans Jurassic Park. Puis Steven, tu disais que tu la connaissais pas trop, mais c'est la mère de. Je pense que c'est la mère de Clark dans Sapin des Boules. Bordeaux. Fait que je suis même pas sûr si Steven est encore là, mais en tout cas. Mais ceci dit, c'est ça, il n'y a rien que j'ai aimé. Le gore, oui, ok, les têtes arrachées, la jambe justement qui se fait bouffer. Mais sinon, là, comme vous avez dit, le dinosaure, il est là à la mort. je sais pas, j'aime les mauvais films, mais oui, qu'est-ce que tu disais? Désolé de couper, c'est parce que dès que tu as commencé à parler de Diane Lane, j'étais comme, mais semble qu'il y a une critique derrière la boîte qui dit quelque chose sur elle, puis c'est écrit comme en gros jaune, « Diane Lane will chill you to the dinosaur born. Ah, ouais, elle me laisse froid, tu sais, elle me chill. Ah, mais c'est sûrement la scène d'accouchement qui parlait, c'est pour ça. Ça vient d'ajouter au génie de la totalité de ce film. Il y a une chose que j'ai trouvée drôle, c'est le directeur de la compagnie qui est comme chauve un peu, là, qui à un moment donné, il est comme. Je l'ai vu en deux, trois parties, le film. En fait, je vais l'avouer, c'est ça, il dure 83 minutes, mais j'ai pas été capable d'écouter tout d'un bout. Je l'écoute en trois parties, je pense. Puis à un moment donné, j'ai vu une scène, puis mon cerveau l'a comme pas enregistré l'information, puis j'ai allumé, à un moment donné, j'étais dans la douche, ou je sais pas trop quoi, puis j'ai comme fait. Tabarnak, il était couché à plat ventre sur sa table de réunion avec un client, ou je sais pas trop quoi. Ça n'a même pas de sens. Man, cette scène-là, quand elle commence, là, tu sens l'acteur qui a voulu faire un genre de « Moi, je me laisse aller, esti, let's go. Moi, j'improvise. » Ouh, ça n'auront pas vu un fou de même. Ça sonne l'acteur qui fait comme « Calisse que je m'emmerde ici. Ce film-là, c'est tellement n'importe quoi. Je vais faire n'importe quoi, puis ils vont me laisser faire. » C'est ça. Ah oui, il essaie d'impressionner le sénateur, c'est vrai. Oui, Asti est devant un sénateur et il est couché à plat ventre sur la table de réunion. Pour y parler à deux pouces de la face. Suite en partant, le film, il commence dans cette salle de réunion-là. Pas cette scène-là, mais dans cette salle de réunion-là. Puis je me disais, suite en partant, ça fait. C'est vraiment juste une salle de réunion que tu vois dans des films. Là. Ça n'existe pas dans la vraie vie, des places de même. T'sais, c'est tout sombre. En tout cas, je sais pas. Ça fait tellement salle de film. Salle de réunion de film de série B. Là, mm-hmm. C'est le genre de film que tu vois à minuit à Canal Z là, depuis 15 ans. Là, exactement. Je sais pas, c'est cheap, là. C'est pour certaines personnes là, qui sont vraiment très tolérantes envers ce genre de film-là. Moi, j'aime les mauvais films. On a un podcast, moi puis Steven, sur les mauvais films, mais je sais pas, j'ai mes limites, là. Ça m'a comme. C'est un peu comme Pieces, ça a fait non, j'accroche pas. Là. OK, fait que là, j'en passe la question. Ça ah. Ou Pieces? Demain, j'ai un gun sur ta tempe. Je t'offre ça ou Pieces? La question. Je pense que je réessayerais Pieces. Tabarnak! Imaginez-vous comment il a fait ça. Ouh, ça en dit beaucoup. Ah, mais c'est ça. Il n'y a rien qui m'intéresse là-dedans, tu sais. Je sais pas. j'essaie de trouver d'autres choses, là, mais... Non, il y a... Le couple dans la Jeep. Oh, man. Ouais, mais le premier massacre. Les massacres sont le fun. Il y a une couple de kills qui sont vraiment le fun. C'est même ton acteur préféré, Harrison Page, Steven. quand il meurt, c'est quand même cool. Il se bat avec le dinosaure. Puis, c'est le dinosaure. C'est lui qui se fait rentrer une oui. patte là, dans l'entrejambe ou je sais pas trop quoi. Là. Ouais. Oui. Oui. Oui. Puis, puis Clint Howard, sa manière de mourir aussi. Comment il meurt? Clint Howard est tout le temps là pour mourir. Cette façon. Il est à travers des poules dans un poulailler, là, tu sais, puis il se fait manger du poulet, là, devant les poules. Pas baveux pantoute. Puis hey, il y a une scène quasiment tirée de Alien, parce que le dinosaure est à l'envers, là, comme au plafond. Hey, sans spoiler, on n'a pas parlé de la fin personne, mais... Ben, je voulais en parler. Ah, ok, je vais te laisser. Ok, ben c'est bon, allez, vas-y, Seb. Défoule-toi, Seb, montre-nous tes talents. Là. Oui, je me défoule pas, j'ai le smile dans la face depuis tantôt, oui, j'ai vraiment, là... Moi, Carnosaur, c'est comme toi, Steven, j'écoutais ça quand j'étais jeune, après avoir vu Jurassic Park, et moi, j'avais loué ça en me disant, yeah, des dinosaures, et j'avais vraiment pas aimé ça, parce que je m'étais dit, voyons donc, c'est quoi cette affaire-là, tu sais, c'est le plus gros what the fuck que j'avais vu de ma vie, en plus, mon père avait loué ça pour qu'on était chez de la visite, puis c'était ma seule occupation, c'était d'écouter ce film-là, puis j'étais comme, ouais, mais c'est pas bon, il me dit, écoute ton film, puis non, mais... Carnosaure, Pierre, tu l'as dit, là, c'est so bad, it's good, mais le so bad est tellement bad, là, c'est épouvantable. Puis là, ben, c'est ça, je n'irai pas répéter tout ce qui a été dit, mais tu parlais de la finale où l'armée finit par vouloir s'en mêler parce que là, écoute, il ne faut pas laisser sortir cette genre de grippe-là puis qu'elle prenne partout aux États-Unis parce que sinon, on est fait, les femmes vont accoucher des dinosaures partout, voyons donc. Puis, parce que, écoute, on n'aura jamais une armée assez suffisante. Non, mais c'est pas grave, ils ont une solution, l'armée. Ils ont une espèce de solution bio, mais c'est quoi donc? Des guns. Non. En tout cas, continue. Il y avait une espèce de solution weird là, qui disait « Ouais, mais tu sais, dans le fond, c'est pas grave si qu'on vient qu'à perdre toutes les femmes. On a un plan B, comme. Ah, » Je me souviens plus quoi. Ça fait partie d'une des parcelles de cochonnerie qui nous a garoché à un moment donné. Ouais, c'est ça. Okay. Tellement le bout de dialogue qu'on se calisse. Mais non, l'armée décide finalement « Bon, ben écoute, on va tirer au gun dans tout le monde, puis on va tuer tout le monde. » Puis quand je dis « tout le monde », c'est vraiment tout le monde. Parce que les personnages qu'on a aimés, et là j'ai mis des guillemets, là, mais en tout cas qu'on a suivi depuis le début, se font juste massacrer à coups de mitraillette. Même spoiler! Si notre... Oh, come on! Même si notre héros a réussi à aller trouver un antidote. Le seul but du film, parce qu'en plus, là on n'a pas parlé, là, mais asti que c'est long, le bout de où ce que le héros du film... est dans la base avec la méchante, puis que la méchante fait juste faire des longs discours d'exposition, puis que lui, il fait juste l'écouter, tout ça dans le but de ramasser l'antidote. Mais asti que ça finit plus. Là, tu te dis, ben voyons donc, c'est tellement inutile, tu sais. Ils vont des champs, dire on veut pas le savoir, on veut le voir. Mais ce film-là, il nous le dit, puis il nous le montre pas. non! Longue séance d'exposition juste pour qu'on aille chercher un antidote pour le donner finalement à la fille et pour qu'elle se fasse finalement mitrailler de façon gratuite par l'armée. Mais c'est rien comparé à toute la fusillade dans le genre d'hôpital de fortune avec le docteur le plus mort. Il aurait même porté une balle, Steve. Il est mort en dedans, cet acteur-là. Il est là, puis il est stické. Lui, son indication, c'est t'ouvres la porte, puis il y a quelqu'un qui tire dessus. Et il a ouvert une porte. Et il s'est fait tirer dessus. C'est de toute beauté. Tu regardes ça, puis tu te dis... Ça peut pas être votre meilleur take, là. Vous pouvez pas avoir écouté ça pour faire comme c'est dans la boîte, on passe à la prochaine. T'sais. Non, ça se peut pas. Ça, c'est la take du vendredi après-midi, là. Il y avait un écrit ça là avec. C'est ça, tu sais. Alors, on a mis du sang partout, là. Ça nous en parlait la dernière. Là. Ah, ben, on n'a plus à force, là. Notre acteur est funny. Non, on va faire pareil. OK. Ah, man. Mais non, c'est ça, écoute. Je veux voir le 2. Je veux sérieusement voir le 2. C'est encore pire. Ben, c'est beaucoup de temps, je veux le voir. Alors voilà, c'est ce que j'ai à rajouter là, sur Carnosaur. Merci beaucoup, Sébastien. Hey, comme on est de retour à nos shows réguliers, on est aussi de retour au bon vieux trivia de Jean-François. pas pour Carnosaur, non. Hey, c'est là qu'il y a... J'avais pas l'énergie pour en trouver pour Carnosaur. Ah, ben, l'actrice, c'est la mère de l'autre actrice qui était dans Jurassic Park. Voilà, ouais, c'est la mère de Laura Dern. Excellent, ça. J'aurais dû mettre un point. D'accord. Je viens de manquer ma chatte. Ben, d'abord, on va y aller tout de suite en musique avant de passer au prochain film. Hey, tu veux pas qu'on donne nos, ben oui, nos recommandations? Ben, hey, j'ai perdu l'habitude. Mm-hmm. Ben, dans l'ordre, Seb, vas-y, non, t'as l'air pressé. Je vais aller pisser. non, ben, non, moi, c'est une, écoutez, une location. Là. Je sais pas, à moins vraiment que vous soyez fan de Roger Corman, des films de monstres, de tout ce qui est un peu boboche, là, tu sais, que vous sentez vous êtes un public d'avance, achetez-le peut-être, là, mais sinon, c'est une location, puis peut-être même passer à côté, mais on vous en voudra personne. Steven. Un achat. Yes. Pourquoi? Parce que, crème, il est 4,99 le DVD, tant qu'à louer, achetez-le. Ah, oh, ben là, si t'es 4,99, ça va coûter moins cher. Jean-François? Ben, s'il est à ce prix-là, achetez toutes les copies que vous voyez, puis allez les détruire. Ben, allez passer un Bobcat dessus. Ouais, c'est ça. Allez chez Kentucky, donnez-les gratis avec un baril de poulet. Ah, moi, je suis comme Steven, à ce prix-là, c'est moins cher qu'une location. Ou au pire, ben, pour présentement, je sais pas pour combien de temps, mais il est disponible en version complète sur YouTube. Fait que si vous êtes pas trop fan puis que le lo-fi vous dérange pas, ben ok, c'est une option. Ceci dit, on y va-tu en musique là? C'est-tu correct? Je pense que oui. Okay, on n'a rien oublié. Je pense pas. Okay. Non. Excellent. Fait que j'ai choisi pour parler de dinosaures, j'ai choisi la chanson des dinosaures de Johnny Cash, puis on revient tout de suite après. Dinosaurs lived a long time ago. They were terrible lizards, don't you know? Some ate plants and some ate meat. Some ate fish and some ate beets. One was called a Diplodocus. One was bigger than your school bus. One was called a Triceratops. Three horns to stop anything it hops. Now, can't you just see yourself walking along, leading your pet Trachodon? Are feeding your Brontosaurus Rex, are scratching your Diplodocus neck, are riding on a Stegosaurus back, are swimming in a Brachiosaurus track. Oh, what a time and oh, what fun, playing tag with your Iguanodon. And if we had dinosaurs now, could they get along with a horse and a cow? Well, I wish they hadn't have become extinct. Dinosaurs would be nice pets and friends to have around to run outside and play with every day, don't you think? Hey, c'était beau, cette chanson-là. Fait que notre prochain film, c'est Q, un film de 1982. En fait, Q, c'est l'histoire d'un animateur de radio vedette canadien qui se fait accuser d'agression sexuelle. Non, c'est pas ça, OK. C'est pas l'histoire de John Gomeshi. Oui, mais je comprends pas avec le Q. Q, c'est émission, son émission de radio, c'était Q. Ah, OK. Fait que voilà. Non, Q, c'est un film de Larry Cohen, écrit et réalisé par Larry Cohen en 82. C'est avec Michael Moriarty, David Carradine, Richard Roundtree, puis Candy Clark. Ça raconte à peu près trois affaires en même temps, de trois histoires parallèles. T'as l'histoire de Carradine qui joue un inspecteur puis avec Roundtree, puis l'inspecteur à New York, puis les autres, ils enquêtent sur des meurtres rituels, une série de meurtres. Puis, t'as aussi Michael Moriarty, qui est un genre de qui est un joueur de jazz raté, un joueur de piano raté, qui s'adonne avec des... qui se met en gang avec des voleurs de bijoux, puis il va y arriver des petites mésaventures qui vont le conduire vers la troisième histoire, qui est comme la population de New York qui est comme attaquée par une créature bizarre qui vole dans les airs de New York, puis personne ne sait vraiment ce que c'est. Mais les corps s'accumulent. Fait que ces trois histoires-là vont se relier ensemble, puis ça va donner Q. Excellent, ça. Mm. Ou en français, Terreur à New York? Épouvante. Épouvante à New York. Épouvante à New York. Sébastien, c'est quoi ton histoire avec Q? Est-ce que tu l'avais déjà vu? Non, j'avais même jamais entendu parler de Q, man. Oh! Ouais, non, mais quand vous avez proposé Q, j'ai fait que c'est ça, cette affaire-là. Et je suis tout de suite tombé sur le trailer et là, j'ai vu ce monstre en image stop motion, un peu à la, je veux dire, à la King Kong, là, et à la tout ces films-là de monstres. Et je me suis dit, oh, là, on a de quoi, là? Là, on a de quoi, puis là, le film commence avec ses histoires et là, j'étais comme, oh là, on a vraiment de quoi d'épouvantable. C'est un bijou, Q. Q, c'est un bijou dans tout. sa créature est vraiment cool, même si on la voit pas assez à mon goût. Ses scènes de meurtre de la créature sont plates, mais sont toujours très drôles quand même, parce que c'est toujours très drôle de voir le travailleur sur un chantier de construction dire « Hey, je vais aller voir quelque chose là-bas, 10 mètres à côté, et se faire attaquer par une créature qui doit faire 20 mètres de long. » Et qu'il n'y a personne vraiment qui semble avoir vu quoi que ce soit. Ou cette fille qui décide évidemment de se faire bronzer nue sur le toit d'un building pour finalement se faire dévorer tout cru. J'ai comme de la misère à mettre des mots sur Q, tellement que j'ai le goût de le revoir. Parce qu'il y a plein de moments que je sais que j'ai pas profité. Autant des dialogues qui ne finissent pas pour des scènes qui ont aucun sens. On parle de Michael Moriarty, tu disais que c'est un joueur déchu, un jazzman déchu. Mais ben, c'était pas nécessaire. C'est surtout pas nécessaire de le voir jouer du jazz dans un bar puis que tout le monde s'emmerde. Parce qu'on dirait que nous autres, on l'écoute puis on s'emmerde en même temps. Mais ouais, mais on se rend compte qu'il y a un réel talent, par exemple. C'est pour ça qu'ils l'ont fait jouer. Ils ont fait comme quoi, tu sais jouer pour vrai? Ben go, mon gars, on va te filmer. Oui, ils ont même demandé de faire, je sais pas si c'est lui, mais en tout cas, il y a quand même une chanson de poursuite à un moment donné, que c'est du jazz chanté. Et c'est weird en est. Écoute, j'ai comme le goût de passer tout le temps du coq à l'âne. Ce Michael Moriarty qui s'en va découvrir le nid du serpent, en tout cas de la bobite, et qui décide d'attirer du monde dedans pour se venger, puis les faire se dévorer, tu sais. Je veux dire, moi, aussi cruel que je serais, si je trouvais un monstre de 20 mètres dans New York, je ferais pas comme, excellente situation pour me venger de ceux qui me veulent du mal. Ben non, c'est le genre de réflexe que tu peux juste trouver dans ce genre de film-là. Il y a tellement de situations invraisemblables, mais tellement le fun. Les discussions entre lui et sa femme. Tu sais, là, sa femme, genre, si tu fais ça, m'a frappé avec une lampe dans ton sommeil. Câlisse, c'est drôle. Ça y est, ça peut finir. Puis, je sais pas, là, il y a de quoi dans la finale qui me fait foutrement rire, mais je sais pas si je peux vraiment le dire. Là. Mais, en tout cas, ces policiers-là qui sont mais tellement mauvais, tu sais. Je veux dire, il y a un monstre de 20 mètres dans New York, puis ils ont besoin de Michael Moriarty pour lui dire où est-ce qu'il est, parce qu'ils sont pas capables de le trouver. Calisse, il peut pas être à 25 places, là. Tu sais, je veux dire, surtout quand il le dit, il est dans un building, mais je vous dirais pas lequel. Genre, j'ai cherché, là, en 2014, il y en a 235 des gratte-ciels à New York. Les années 80, c'est quoi, quelle année? 82. 82. Ouais. Ah oui, c'est vrai, c'est une très bonne année, 82 en passant. Donc, en 82, il y en avait quoi? Peut-être 200? Il y en a combien qui peuvent abriter un serpent de 20 mètres? Tu peux le dire, c'est lequel? De toute façon, c'est direct sur le poster. Il y a pas, ouais. C'est pas un secret. non, c'était pas je voulais pas donner de poule. Mais non, c'est que, tu sais, tu te dis, voyons donc, mais chercher, ils sont juste comme, j'espère qu'il va nous le dire où ce qui est. On espère bien gros qu'il va nous le dire où ce qui est. Parce que s'il nous dit pas où ce qui est le serpent, ben on le saura pas. Ben voyons donc, chercher, puis on dirait que la menace du serpent, elle plane pas vraiment sur la ville, tu sais. Il essaye de nous le faire sentir, mais ça marche pas. Mais c'est tellement drôle, parce que j'ai jamais senti l'état d'urgence dans New York, dans ce film-là, tu sais. Tout le monde fait sa petite routine bien normale. Et que dire de ce policier qui se déguise en mime pour être incognito? Ça, là, ça, c'est de toute beauté, et ça donne lieu à une scène de meurtre que j'ai mis justement sur... J'ai-tu mis sur notre mur? Non, je l'avais mis sur le mien. Je pense que je vais le mettre, l'extrait que j'ai filmé, je vais le mettre sur le mur de d'Horreur Gamer. Cet extrait-là défie toutes les règles du montage et des enchaînements de scènes. Hein? Correction, ce film-là défie toutes les règles du montage. Ça n'a aucun hostie de bon sens. Des scènes où ce que le monde... ne font que parler et expliquer ce qui va se passer dans la scène d'après, tu sais. Ils expliquent de long en large leur plan, puis là, t'as le gars qui dit, « Ouais, mais vous avez pas peur que si on fasse ça, ça marche pas. Non, on va le faire. Non, vous devriez faire ça, ça marchera pas. » Puis là, évidemment, ça marche pas. Puis là, t'es comme, ah oui, mais tu aurais pas dû me le dire 20 fois. Je pense que je m'en doutais que ça allait pas marcher. C'est asti que c'est drôle. Mais, ah, mais c'est ce qui est surtout drôle, puis je pense, c'est que ce film-là se prend quand même un peu au sérieux. Là. Ouais, tout à fait. C'est ça, je pense, le plus de la beauté de tout ça. C'est que ce film-là est sûr qu'il l'a. Là. Et ça, c'est juste pour ça. Chapeau, le film, je t'aime. Bon, c'est je vais commenter. J'ai le goût de dire, tu peux pas être un bon policier si tu tues un principal suspect d'une chambre d'hôtel, puis que tu fais comme, bon, allons-y maintenant. Tu fermes la porte de la chambre d'hôtel et tu pognes la petite pancarte pour la femme de ménage et tu la mets sur la porte en disant, s'il vous plaît, faire le ménage. Calliste, t'es en train de faire une enquête, t'as tué ton principal suspect. Tu pourrais-tu coller ton monde pour qu'il prenne des empreintes et des trucs de même? Tu sais, au début même du film, quand il trouve le premier cadavre qui est comme skinless, le flic, ça l'écœure, puis il cache la face avec un oreiller, tu sais. Encore une fois, ça fait bravo! c'est tout le temps plein de détails. C'est dans les dialogues, c'est partout. Il y a tout le temps quelque chose qui va te faire un genre de « What? Qu'est-ce que j'entends? » Oh non, c'est... Ce film-là est plein de surprises, puis j'en ai manqué, je suis sûr, la moitié. je vais prendre la relève, puis je vais être très bref, parce que malheureusement, j'ai pas pu revisiter le film cette semaine à cause de la neige. Il y en a beaucoup trop, puis le temps que j'avais alloué pour écouter un film aujourd'hui, ben je l'ai passé à pelleter. Mais j'ai quand même, ça va en dire quand même un petit peu sur mon appréciation du film, j'ai acheté le Blu-ray l'an dernier, et puis je l'ai écouté dès que je l'ai acheté, donc c'est quand même relativement frais dans ma mémoire. Je trouve ça drôle. Il est sur ma liste Amazon, là, il revient à 12$ avec le shipping. Oh, ouais, ça vaut vraiment la peine. Ceci dit, t'arrêtes pas de dire, Seb, puis pas juste toi, le film le dit que c'est une créature de 20 mètres, mais dans le film, on sait pas, hein, il change de grandeur, tout, on sait jamais. Des fois, il en fait 20, des fois, il en fait 10, des fois, il en fait 40, on sait jamais. Mais ça l'ajoute à la beauté de la chose. Non, ce que j'aime vraiment dans Q, c'est que c'est tout simplement un film de kaiju américain, puis vous savez comment j'aime ça, des kaiju, ça en est tout à fait un, tous les éléments sont là. Même dans le reveal de la créature, parce que tu dis, on la voit pas, elle est pas assez présente, mais je trouve ça brillant comment que... est révélé petit peu par petit peu jusqu'à à peu près la moitié du film où on a le premier réel affrontement avec la créature, qu'on voit ce qu'elle est. Puis je la trouve cool, je la trouve vraiment cool. Là. Même si, quand tu regardes le poster puis tu regardes la créature du film, t'es légèrement déçu. C'est pas tout à fait la même... En tout cas, c'est pas la même menace, disons. Non. Mais non, puis je trouve ça cool. Puis comme Jean-François disait dans son résumé, il y a trois histoires qui se passent au travers de tout ça. Les trois histoires, c'est ce qui fait que contrairement au kaiju japonais, c'est ce qui te tient, toi, auditeur, en haleine dans ce film-là. C'est ce qui fait que tu perds pas de l'intérêt. C'est goofy, c'est un petit peu câble. Les personnages sont quand même intéressants, même si tu te rends compte qu'ils sont vraiment maillés, souvent mal écrits, presque aussi mal écrits que les dialogues. Mais, je veux dire, ça tient quand même, puis sont le fun à voir aller. Tout ça qui nous amène vers un film qui est quand même assez weird, un plot qui est vraiment evil. Moi je la sens. Quand tu parlais, Sébastien, que tu sentais pas la menace, moi, je trouve que oui. Parce que, bon, tous les plans qu'on a, les plans en vol de New York, je trouve ça cool. Quand la première fois que la fille qui prend un sandbat, elle se fait gober, je trouve ça foutrement evil et dégoûtant de voir du sang qui coule partout. Tu sais, du monde qui marche à rue qui se font dégoûter des morceaux de cette fille-là. Ça, c'est hot. C'est épouvantable. Ils savent pas ce que c'est. Puis, hop, que ça, ils viennent de tomber une grosse tache weird sur le bras. Je me fais un malin plaisir à imaginer des bouts de cervelle, une langue, puis qui tombe sur un pied pendant que tu prends une marche dans la rue. Tu sais. Je trouve ça vraiment cool. Puis c'est ça, moi, qui fait un petit peu ma menace. Non, ce film-là, c'est comme tu l'as dit, c'est un bijou. Ça se compare pas à notre Carnosaur de tantôt. Dans son ton, dans son ensemble, mais est-ce que c'est le fun? Pas pour les mêmes raisons, pas parce que, oui, c'est goofy, oui, c'est cave, mais c'est plus le fun, c'est mieux fait en tout point, même si les acteurs sont pas toujours crédibles, c'est surtout à cause de leur dialogue et non pas à cause de leur acting. Puis non, moi, est-ce que j'aime ça, Q, sérieusement, là. Je vais m'en tenir là, je vais commenter, comme je dis, c'est pas super frais dans ma tête, mais quand même, je vais m'en tenir à ça. Puis je vais passer la parole à Steven, tiens. Q. is coming. Allez voir le trailer, vous allez avoir cette tagline-là dans la tête pendant un esti de bout. Tu l'as vu, toi, Seb? Oui. Q is coming. Bon. C'est réalisé par Larry Corrin, puis je suis vraiment, mais vraiment pas un fan de Larry Corrin. En tant que réalisateur, tout ce qu'il a réalisé, j'aime pas. J'aime pas de stuff. J'aime pas sa trilogie de It's Alive. J'ai pas aimé God Told Me To. Parce que je trouve que ce gars-là, il est plus à sa place derrière un scénario, puis à créer des histoires, parce que je trouve qu'il a vraiment des bonnes idées. Puis souvent, il est capable d'écrire des bons scénarios, mais il est juste incapable de les foutre à l'écran en images. Il est incompétent derrière une caméra, puis il est incapable de diriger comme il faut ses acteurs. Mais Q, je pense, c'est un des seuls qui a réalisé que je tolère, parce que je trouve que c'est une petite œuvre sympathique qui est mensongère, malheureusement, sur son poster ou le marketing, ou que c'est vraiment pas mal mis que sur son monstre. Puis c'est, comme vous disiez, le film est séparé en trois histoires, puis parmi les trois, je trouve que c'est la moins intéressante parce que, en tant que tel, c'est plus là pour faire l'hommage au film de monstres des années 50. Puis par moments, je trouve que c'est réussi. Il y a certains cadrages puis effets qui me rappelaient les monstres, les vieux films de monstres des années 50. Mais j'ai trouvé le film plus intéressant au niveau de son histoire de genre de culte aztèque puis tout ça, que je trouvais ça bien d'intégrer dans le film au lieu de focusser sur un film de monstres ou de chasse de monstres pendant toute sa durée, ben, ils ont décidé d'intégrer trois histoires différentes, ce qui donne quand même un boost de rythme au film, même si par moment, il y a des dialogues qui traînent à longueur, puis c'est vraiment pas toujours bien écrit, comme disait Seb, c'est souvent boboche, mais ça n'enlève à rien que ça remonte la pente grâce au casting qui est quand même de très bonne qualité, puis même si certains dialogues sonnent faux, je trouve que ça tient quand même la route au niveau des performances, puis Michael Moriarty, j'ai vraiment aimé sa performance, même comme je dis, s'il y a bien des dialogues qui ne fonctionnent pas, j'ai vraiment aimé son espèce de personnage, puis en tant que tel, je pense que c'est un peu ça le principal du film, parce que ça s'appelle Q, mais en tant que tel, même si Q est la première lettre du nom de la créature ou du dieu, Larry Corrin, il avait écrit son scénario puis tout en se disant que Q c'était par rapport à Queen puis qu'il s'était concentré sur son personnage d'homme qui tente de changer sa vie misérable, qui essaie de trouver un meilleur moyen d'avoir une meilleure vie. Puis je trouve ça intéressant tout ce que son côté de trop de cul, puis il essaie par tous les moyens d'avoir son 1 million. Puis c'est complètement ridicule. Par contre, c'est ça qui est plate. La scène, autant pour être bonne, autant est ridicule comment c'est écrit. C'est comme, moi, je vais plus jamais payer une taxe de ma vie, puis c'est ça que je veux, plus jamais payer de taxe. Comme, OK, tu parles d'une demande pas crédible pour un sou. C'est comme, gars, t'as 1 million, tu t'encolles-tu des taxes? Il y a bien des affaires de même qui, malheureusement, ça fait chier, mais en tant que tel, j'appréciais son personnage puis la performance de l'acteur. J'aimais aussi David Carradine en policier. Je trouvais que ça faisait la job aussi. Malheureusement, il fait pas assez de karaté. Ouais, c'est ça. Ça manquait de coupier, malheureusement. c'est ça. Moi, j'ai trouvé ça bien, les trois histoires. Comme je disais, le personnage de Queen puis la secte aussi, même si c'est plus ou moins développé. C'est quoi l'autre affaire que je voulais mentionner? Ah oui. j'aime bien comment New York est filmé, l'ambiance puis le décor en tant que tel de ce New York-là des années 82. J'aime le rendu. Je sais pas, ça a un côté nostalgique. Ça me rappelle beaucoup de films que je voyais quand j'étais jeune. Puis j'aime bien la manière que New York est filmé. Par contre, ce que j'aime pas, puis c'est qu'est-ce qui nuit au film. Comme je dis, Larry Cohen, il est pas très bon pour diriger ses acteurs, puis encore moins bon pour diriger une foule ou du monde nowhere qui se promène dans la ville. Fait qu'à toutes les scènes, je m'amusais plus à regarder en background le monde qui marche, puis qu'à un moment donné, qui se retourne, ils sont comme, hey Chris, il y a une caméra, c'est quoi qui filme? Puis là, tu vois vraiment le monde qui sont concentrés sur la caméra, puis l'équipe qui sont en train de filmer une scène, puis t'as bien des scènes de même où tu peux juste voir la foule qui sont complètement juste pas dedans, puis ça me déconcentrait, je trouvais ça drôle en même temps. Puis la fameuse scène que tu parlais aussi, Pierre, j'ai trouvé bien drôle le fait que le sang coulait un peu partout sur le monde après que la créature ait pris la fille. Ce qui est drôle, c'est que le monde n'a pas l'air dégoûté ou quoi que ce soit, ils ont l'air en tabarnak. Ben oui, t'sais, t'as le gars qui reçoit le sang, t'sais, tu vois qu'il y a du sang sur ta chemise, mais le gars il est comme « What the fuck, motherfucker? » Il est quasiment sur le bord d'être comme « Motherfucker! » Il y a personne qui est au courant que c'est du sang, je veux dire, personne ne sait ce que c'est, il y a quelque chose qui tombe du ciel, je veux dire, il n'y a pas juste le sang qui est rouge dans la vie. Non, je sais, mais pareil, tu as comme des grosses taches rouges qui tombent dessus, mais ça, c'est quand même un petit peu inquiétant. Je serais pas en tabarnak, je serais plus en mode what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça, puis je serais pas en crise. Je sais pas, moi je trouvais juste la scène ridicule puis drôle en même temps parce qu'ils sont juste mal dirigés, comme je disais. Sinon, je suis un peu de l'avis global de Seb. Il y a beaucoup de moments cheesy qui fonctionnent pas, mais qui sont vraiment drôles. Mais en même temps, le film se prend tellement au sérieux, fait que ça vague entre les deux. Il y a les moments où les dialogues s'éternisent pour rien, fait que je m'emmerde un peu, puis ils sont pas forcément drôles. Puis d'autres moments où il arrive des situations, justement comme Sébastien disait, que il liquide son suspect, puis il s'en va, puis il tourne la petite pancarte devant la porte. C'est plutôt drôle puis ridicule en même temps. Mais globalement, j'aime Q. Je trouve que c'est un film qui a du charme, qui a quand même quelques qualités, puis qui s'en sort pas trop mal en termes d'hommage pour les films de monstres des années 50, même si ça a son lot de défauts, puis que j'aime pas Larry Cohen derrière une caméra. Mais non, c'est sympathique. C'est pas mal ça que j'en retiens de Q, puis j'ai du plaisir à le revoir une fois aux 5 ans. Excellent. Jean-François. Ben moi, c'était ma première expérience avec Q. Excusez. J'avais déjà vu la pochette plusieurs fois dans un club vidéo quand j'étais jeune, puis mais pour aucune raison que je pourrais expliquer, j'ai jamais loué. Fait que là, c'était enfin l'occasion de le voir. Puis ben je sais pas, en commençant, je m'attendais à quelque chose de vraiment pénible puis pourri, puis je suis pas un fan tant que ça de David Carradine, je m'en fous un peu. Fait que tu sais, je me foutais un peu du film. Mais j'ai fait une découverte dans ce film-là qui m'a un peu jeté sous le cul, puis c'est Michael Moriarty, je connaissais pas du tout cet acteur-là. Puis à partir de maintenant, je vais essayer de voir plusieurs affaires qu'il a faites, parce que je suis vraiment tombé en amour avec son jeu d'acteur qui était extraordinaire. Là, moi, c'était le bijou à travers le film. Là, film n'est pas mauvais, là, mais lui, là, c'était wow. Là, il a réussi à prendre le matériel et à l'amener à un autre niveau. Là, je me disais que lui, il n'est pas dans la même ligue que les autres en tant qu'acteur. Là, lui, il s'amuse vraiment comparé aux autres. Les autres, oui, pilotes automatiques, mais lui, il overstage tout le monde. Hein, fou. Puis la première fois qu'on le voit, je pense que c'est peut-être pas dans le bar tout de suite quand il va jouer au piano. Je pense qu'on le voit un petit peu. On voit une autre scène avant, je pense, avec lui. Mais en tout cas, mais dès le départ, je suis comme attiré vers lui. Je suis comme hypnotisé par lui. Puis son personnage est loser, mais je suis intéressé par lui. C'est un ancien junkie aussi, je pense, son personnage. Pour ça qu'il est un peu... Il est instable, il est imprévisible, puis je l'aime. J'aime vraiment ce genre de personnage-là. Ouais, ben ça, il raconte, tu te demandais c'était quand on le voyait la première fois, c'est quand il était à table avec les bandits. Là, puis c'est ça, c'est là qu'il explique son background weirdo. Mais on en parle plus tard aussi, je pense, que c'est un ancien junkie. Puis c'est ça. Sinon, ben c'est ça. Les effets spéciaux, c'est un peu boboche. Là, la créature, on la voit pas tant que ça, comme vous avez dit. Puis surtout la finale, quand en tout cas, il se bat avec les policiers, puis tout. C'est drôle là, par bout. Là, c'est vraiment très drôle. Mais j'essaie de repenser à ce que vous avez dit. J'avais tellement de choses qui me popaient dans la tête. Oui. Colin, j'ai complètement perdu. J'allais intervenir, mais j'ai perdu. Continue, excuse. Mais c'est ça, moi, dans les trois histoires, c'est vraiment celle de Michael Moriarty, parce que ben, le monstre m'intéresse aussi. Celle qui m'a moins intéressé, c'est celle des crimes rituels, que j'étais comme, ben, à la limite, il aurait pu ne pas être là, puis ça m'aurait pas dérangé du tout. Après ça, tu parlais des effets spéciaux. Les effets spéciaux de la créature, c'est tel quel, mais quand même, les effets spéciaux gore sur les cadavres ou pour les rituels, sont quand même pas si mal. Oui. Là, comme c'est le premier kill, là, sur le corps qui est tout... le corps qui est tout... qui est plus de peau. Puis ouais, c'est même ça. Quand on voit les moments où que la personne enlève la peau, c'est bien efficace, c'est bien correct. Ah, puis le premier kill, c'est vrai, tu viens oui, le laveur de vitre, là. Oui. C'était bien, ça. C'était drôle. C'est niaiseux, cette scène-là. Mais ça donne le ton au film. Quand ça commence vraiment comme ça, puis là, tu le vois, les deux qui s'écœurent, puis tu sais, Asti quand même, puis l'autre, Chris qui est innocent, lui, l'autre bord de sa vitre. C'est tellement drôle, man. Ça donne le ton au film, puis tu sais dans quoi tu viens de t'embarquer. Là. Exact. J'aime ça, ces petites touches-là. Il y a une autre scène aussi, Manu, avec les travailleurs dans la construction, puis le gars qui chiale parce qu'il s'est fait voler son lunch. Puis tu sais, moi, mon premier réflexe, c'était de penser que ça devait être la créature qui a volé sa boîte à lunch, parce que la boîte à lunch est dans les airs, puis elle était vide. Mais non, c'est vraiment un travailleur qui a volé son sandwich, puis il est tout fier de lui, puis il dit, tu sais, je n'amènerai plus de lunch. Moi, je vais tout le temps voler son lunch à lui. C'est ça, c'est plein de moments de même. La séquence dans le restaurant, où il va quasiment dire à David Carradine dans quel building c'est, puis là, t'as l'autre policier noir qui arrive, puis là, il fait comme, bon, j'allais te le dire, mais lui, il s'est pointé la face, alors je vais me taire. Mais là, t'es comme, mais oui, attends, cette scène-là a servi absolument à rien. Asti que c'est drôle. Puis là, t'as l'autre qui le regarde en disant, comme, ben bravo, tu viens de gaucher tout ça. Ah, asti. Ouais, puis toutes les négociations avec les policiers qui est venu avant, puis ah, c'était tout le fun, ça. Puis, je sais pas, le setting aussi, on l'a pas dit, puis je sais pas si on voulait se garder à la surprise, mais tu sais, le fait que ça se passe dans le Chrysler Building, je trouve ça super intéressant. Il n'y a pas de film tant que ça qui se passe là, puis d'habitude, c'est tout le temps autour de l'Empire State. Là, je trouve que c'est un setting vraiment intéressant. Surtout qu'après avoir lu des trucs là-dessus, j'ai lu qu'ils ont vraiment tourné là. C'est pas un décor, c'est vraiment là. Puis ils ont eu accès à tous les étages, puis ils ont monté jusque dans la pointe en haut. Puis il n'y avait aucune sécurité, il n'y avait aucune rien qui les empêchait, qui aurait pu les empêcher de tomber. Là, fait que c'était. C'est vraiment trippant qu'ils aient tourné là. Puis c'est vraiment un petit film là, fait. À la va-vite, là, je pense en 3 semaines, puis écrit genre en 5 jours, là, fait que c'est... Ah oui, ça a vraiment... Ben, il était supposé de tourner un autre film, finalement, il s'est fait... mettre dehors. Il s'est fait mettre dehors, puis il s'est dit, bon, ben là, ma chambre d'hôtel est payée pendant tout ce temps-là, ouais. Fait que je vais tourner un film. Puis l'autre équipe continue à tourner l'autre film dans le même hôtel pendant que les autres, ils tournaient avec You. C'est vraiment absurde. Puis l'autre film est sorti à peu près en même temps, puis il a été un flop. Merveilleux. Ça, c'est bon. Ça. Ouais, c'est oh, wow. Puis, non, mais c'est ça. Moi, ça a été quand même une belle surprise. T'sais, c'est pas un film extraordinaire. Là, c'est pas un film parfait, puis tout. Mais c'est le fun. Puis, c'est sûr que si on s'attend à voir la créature, ben on va être déçu parce qu'on la voit pas tant que ça. C'est vraiment pour le personnage de Michael Moriarty que ça vaut à peine. Puis je pense que ça vaut vraiment la peine à cause de lui, mais sinon, c'est ça. C'est un film intéressant, je trouve. Ouais. Qu'est-ce que tu y ferais comme recommandation? Ben, allez-y pour l'achat, le Blu-ray. Ouais, moi aussi, je dirais l'achat, puis le Blu-ray, parce que les DVD, j'avais le DVD avant d'avoir le Blu-ray, et puis le transfert est horrible. Le transfert Blu-ray est excellent. Ouais, mais c'est parce que ça, celui DVD, c'est comme si t'écoutais un film en noir et blanc, tellement qu'il est fade, c'est gris, c'est horrible. Celui de Blue Underground, t'avais? Parce non. Que celui de Blue Underground est quand même de bonne qualité, je trouve. Ouais, c'est vrai. Celui de Blue Underground a été refait parce que justement, celui que moi j'avais, qui je sais pas, en réalité, faudrait que j'aille voir, là, c'est quoi, là. Mais c'est vraiment de la boîte, là. Celui de Blue Underground, il était une petite coche au-dessus, mais c'est ça, c'était suite aux plaintes des gens. Mais de toute façon, le Blu-ray est tellement pas cher que, regarde, on se casse pas. Non, tête, c'est hein. Ça, les... Ben, qu'est-ce, Steven, ta recommandation? Un achat aussi. Genre, Sébastien, excuse-moi. Ben, c'est un achat. Waouh. Je pense qu'on a... Pour une fois qu'on est tous d'accord. Ouais. Et pour la deuxième fois, cette fois, j'espère ne pas me planter. Ben, je suis certain de ne pas me planter. C'est le retour des trivia de Jean-François. OK, ben j'ai pas une tonne de trivia, là. J'ai quelques petites affaires. On a un peu parlé, tu sais, que le film a été écrit en quelques jours, justement. Je raconterai pas toute l'histoire, on l'a dit. Je trouvais qu'il y avait une petite couple de petits détails intéressants. C'est que pour le film sur lequel Larry Cohen travaillait juste avant, puis sur lequel il a été viré, il a fait passer des acteurs en audition. Il a fait passer Armand Asante, qui a finalement eu le rôle dans cet autre film-là. Mais il a fait passer en audition aussi un jeune Bruce Willis qui était pas connu du tout. Puis quand il s'est fait virer de son film, Larry Cohen, ben il a repensé pendant 2 secondes, il s'est dit peut-être que je pourrais engager ce petit jeune-là, Bruce Willis, dans le rôle de Quinn. Mais finalement, il y avait, je pense qu'il avait déjà entamé une discussion avec Michael Moriarty, puis Moriarty a accepté de faire le film, fait qu'ils ont dit ok, ben tant pis, on n'aura pas Bruce Willis, puis de toute façon, il n'est pas connu. Oui. Je l'aurais vu, tu sais, dans ses débuts, parce qu'il jouait justement un peu le goofy, là. Je pense que ça lui prenait aussi des noms connus. Fait que, tu sais, Michael Moriarty, à ce moment-là, était plus connu. Puis, il y avait aussi... il est allé dans une soirée d'improvisation, un moment donné, dans un club de comédie, puis il a vu un jeune acteur noir, puis il s'est dit, « Ah, il serait pas pire dans le film aussi. » Mais finalement, il l'a pas pris, puis c'était Eddie Murphy. Puis, il raconte de nos jours, il dit, « Le film serait encore plus gros de nos jours si on avait eu Eddie Murphy et Bruce Willis dans le film. Il serait encore plus big, là. » Tellement. Il n'y penses-tu? Mais peut-être qu'ils n'auraient pas eu leur carrière. Peut-être non, que c'est le ça, film aurait influencé quelque chose. T'sais, ça a l'air que Bruce Willis il a fait de la série Clair de Lune, Moonlighting, des années 80, pendant 5 saisons, là, avant de faire les Die Hard, puis tout ça. Il était connu, il a commencé à être connu à cause de ça. Puis un moment donné, dans une célébration, je ne sais plus trop quoi, là, une remise de prix, il est allé voir Larry Cohen, il a tapé sur l'épaule, puis il a dit « Hey, tu te rappelles-tu de moi? Tu m'as fait passer une audition, tu m'as donné des encouragements, puis tout, pis ça m'a vraiment aidé dans ma carrière, puis je voulais te remercier, puis tout. » Larry Cohen, il se sentait super bien. Là, il était comme « Yes, cool, c'est le fun. » Puis quelques années après, qu'il avait fait une couple de Die Hard puis d'autres films, il a rencontré Bruce Willis. Puis là, c'est lui qui a tapé sur l'épaule, c'est Cohen qui a tapé sur l'épaule. Puis il dit « Hey, tu te rappelles-tu tout ce que tu m'as dit que je t'avais encouragé? » Puis « Ouais, je m'en rappelle. » Puis c'est tout. Ça a resté de même. Ah. Il est reparti. Il dit « J'aurais tellement voulu ne pas le rencontrer une deuxième fois. Ça gâche l'histoire. » Ah, c'est dole, ça. Fait que... David Carradine, en entrevue, il disait, à un moment donné, il dit, c'est ça, il disait que lui et Larry Cohen s'étaient connus à l'armée, je ne sais plus exactement dans quel, à quel moment exactement, probablement dans les années 60 ou 70. Puis ils ont fait quelques projets ensemble, comme des pièces de théâtre, puis ils ont tout le temps voulu faire un film ensemble. Puis il dit, à un moment donné, j'étais au Festival de Cannes, puis il dit, j'ai reçu un télégramme. Puis tout ce que le télégramme disait, c'est, montre-toi à New York le 14 juin avec des vêtements pour jouer un détective de New York. Puis c'est tout. Tu vois, c'est old school quand il parle d'un télégramme pareil. Hein? Ouais, c'est vraiment, ouais. Tu m'as fait la même réflexion aussi. Puis c'est ça, il est arrivé sur le plateau, il n'a pas lu de scénario, rien. Le premier jour, ils ont dit, ben on n'a pas besoin de tout pour le premier jour de tournage. Il a dit que c'est beau. Ouais, il est allé dans sa chambre d'hôtel, il n'a pas lu le scénario encore. Il est arrivé le deuxième jour, puis il a commencé à lire les pages. Il a dit, hey, c'est un film de monstre. Moi, je fais pas ça, des films de monstre. Ah, il me dit, fuck, je me suis désengagé pour faire le film. Fait que, ok, je vais le faire, tu sais. Mais il voulait pas faire de film de monstre. Et puis on sent qu'il n'a pas le goût d'être là. Ah, oh, Chris, oui. C'est qu'on le sent. Mais il dit... Il dit, si Larry Cohen avait laissé le monstre en dehors du film, il s'arrêtait un meilleur film. Il dit, la relation entre moi et Michael Moriarty, c'était ça le cœur du film. Puis j'aurais voulu que ça soit plus ça, qu'on développe plus ça. Il dit plutôt que le comment est-ce qu'il dit en anglais, The chicken that ate New York. Il dit. Oh. Mais c'est quand même plus présent que le monstre lui-même, pareil. Oui, mais ouais. C'est tellement evil le plan d'attirer le monde pour qu'il se fasse bouffer. Moi, je trouve que c'est crissement important. J'aurais pas enlevé ça, là, jamais, jamais, jamais. Non, en effet. Puis, ben c'est ça. T'sais, comme je disais tantôt, ils ont eu accès au Chrysler Building. C'est vraiment cool. C'est 77 étages. Puis même, t'sais, ça a pris 5, 6, 7 fois. Ils ont écœuré pour pouvoir avoir accès au building. Puis ils ont réussi à l'avoir. Mais même ceux qui s'occupaient du building, ils pensaient pas qu'elle allait monter jusqu'au top, là, vraiment. Puis comme ils disaient, l'équipe à Cohen, ils disaient, ben, c'était pas protégé. N'importe qui aurait pu tomber. Puis... mourir là, tu sais, c'était... Mais ils ont vraiment trippé à aller tourner en haut, là, puis c'était comme la place idéale pour faire un nid, là, tu sais, pour faire un nid d'une créature qui vole au-dessus de New York, là, c'était... C'est comme le building rêvé pour ça. Ouais. Puis, l'équipe aurait... Ben, tu sais, on voit deux œufs dans le film, je vais pas trop spoiler non plus la fin du film, mais on voit un gros, en tout cas, je vais parler juste d'un. On voit un gros œuf dans un nid. Puis, ça aurait l'air que la compagnie, les techniciens auraient laissé cet œuf-là dans un entrepôt quelque part, puis pendant des années, là, tu sais. Puis, ça a été redécouvert après ça par une autre gang, je ne sais pas trop exactement qui, si c'était du monde qui travaillait sur un film ou quelque chose. Puis, ils ont découvert l'œuf, puis ils ont fait, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, tu sais. Puis en plus, l'œuf est encore dans son nid, puis il comprenait pas. Là, tu freak. Fait que, en gros, c'est pas mal ça là, que j'avais. Mais je vais mettre un lien sur la page Facebook d'un texte qui a toutes ces informations-là, puis c'est plein d'entrevues avec tout le monde qui ont travaillé sur le film. Fait que c'est vraiment intéressant. Là, c'est comme moi, dans un entrepôt à job, je suis tombé sur en fouillant, je suis tombé sur un traîneau de Père Noël des années 30. Mais c'est une toute autre histoire. C'était un autre type de découverte, mais j'arrive vraiment, je sais pas, un œuf, man, dans un nid, tu dois faire un. Surtout. De cette grosseur-là. De cette grosseur-là, tu dois faire un sale saut. Malade. Fait que c'est tout, mon cher Jean-François? Oui, oui, oui. Ben, merci beaucoup. On va y aller avec un petit jingle, puis on vous revient avec une conclusion. Et nous voilà pour la fin de cet épisode. Épisode numéro 43. C'est ça, quand nous autres, on parle de dinosaures. Un petit dernier mot avant de partir, je sais qu'on a quelques petites choses à plugger. Tiens, Jean-François et Steven, le bras de fer, qu'est-ce qui se passe par chez vous? On a recommencé en cette nouvelle année 2015, on a un nouvel épisode qui vient juste de sortir, puis en fait, on introduit un nouveau format d'épisode. Les vieux épisodes vont rester, là, comme on faisait avec un classique versus un navet. Mais entre ça, pour garder le concept du bras de fer, du tir au poignet, dans le fond, c'est entre les épisodes réguliers, on fait les épisodes qu'on appelle des time-outs. C'est comme, là, on parle, un peu comme ici, à Horror Gamer, on fait avec les tours de table. On va parler un peu de tous les films qu'on a vus en dehors des films pour le podcast, fait que, mais qui sont pas de l'horreur non plus, pour différencier avec Horror Gamer, fait que toutes les autres affaires qu'on voit qui sont dans d'autres genres. Fait que notre premier épisode Time Out est en ligne au bras de fer des films.com ou facebook.com/bras de fer des films. Allez écouter ça puis laissez-nous des commentaires. J'ai bien hâte de l'écouter. Soit dit en passant, je me suis trouvé pendant le temps des fêtes une copie VHS de Over the Top que j'ai réécouté. Et puis c'était meilleur dans mes souvenirs. Mais c'est quand même très bon. Là. Mais ouais, j'avais oublié la pause du gars qui bouille de l'huile à moteur avant de faire du bras de fer. C'est fort. C'est viril. Là. C'était pas plus viril que ça, boire de l'huile à moteur. Et, ouais, puis quand tu le vois après ça, avoir des brûlements d'estomac hardcore, c'est très drôle. Mais c'est ça. Sébastien. Ouais. On t'a vu récemment chez un confrère. Ben oui, hey, ça a fait du bien. J'ai tourné un épisode du 7e démenti avec l'ami Sylvain. Un épisode où on parle de Nightmare on Elm Street 2. Ce cher boudé de la série. Alors, c'était un peu un mélange de fun de regarder des films et de 7e démenti. Et ce qui est cool et qu'on a publicisé un peu, c'est que l'acteur principal du film a quand même partagé l'épisode sur Facebook en commentant. Et ça, c'était un peu bizarre. Là. Je suis Charlie, en tout cas. pas parce que c'est un truc en français que c'est le commentaire à faire, mais c'est pas grave. C'était très, très apprécié. Puis écoute, travailler avec Sylvain, faire des trucs quand même, c'est toujours le fun. Et ça lance le bal pour le prochain Fun de regarder film qui devrait tourner la semaine prochaine. Excellent ça. Pour ma part, je voulais faire une petite promesse à Jean-François parce que je filais cheap d'y avoir fait écouter Carnosaur puis d'y avoir fait écoute, ça fait deux films en peu de temps que je lui fais subir. Fait que j'ai décidé que le prochain épisode, j'ai décidé sans même lui en parler parce qu'il va l'apprendre à l'instant, que le prochain épisode, c'est lui, le prochain épisode régulier, disons, c'est lui, Jean-François, qui aurait le total contrôle dans la mesure où ce serait le fun. Ça fait longtemps qu'on en parle, qu'on va faire un épisode de musical. En réalité. Yes. Eh oui, c'est ça. Et c'est toi, Jean-François, je vais te laisser le choix des deux films. Tu as l'embarras du choix et je me suis rendu compte de ça récemment qu'il y en a beaucoup et il y en a beaucoup des très bons. Puis ma shame list à moi? Ben, j'ai dit épisode régulier exprès, okay. Sébastien, parce que oui, il reste ta shame list à faire. Okay. Hey, c'est une bonne shame list, là. Oui. Tout à fait, mais c'est parce qu'à toutes les fois qu'on a voulu faire ton show Shameless, tu cancelles la journée même. Fait que c'est pour ça que je prévois un backup, tu comprends? C'est bon. Ceci dit, c'est ça. Voici, c'était l'épisode 43. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis, tiens, jusqu'à la prochaine fois, gardez ça horreur. Ciao. Ciao. C'est parti. C'est quoi ça? C'est quand je m'étais, je pensais pas qu'on m'attendait. Tabarnak, on aurait dit que t'étais après chier. Je suis content. Je suis content, man. On est en train de meubler le soundboard, pareil. Ah oh, non, il était plus sincère que ça. Non, c'est bien, c'est comme dur. C'était inimitable.